Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Tout ce qu'on a, on l'a gagné. On l'a gagné. Ça va péter. Pardon que certains s'enrichissent, les salariés du public, du privé, les chômeurs, les retraités, on est tous exploités, on est tous dans la même galère. Mais aujourd'hui, on a décidé de ne pas se laisser faire. Travailler plus longtemps, on n'en veut pas. Les cadeaux fiscaux patronaux, on n'en veut pas. La casse des garanties collectives, on n'en veut pas. La dégradation des conditions de travail, on n'en veut pas. Et tout ce gouvernement de corps, on n'en veut plus. Nous, on veut la justice sociale. Oui, oui, oui. La justice fiscale. Oui, oui, oui. La retraite à 60 ans pour tous. Oui, oui, oui. Un départ à la retraite à 55 ans pour les travaux pénibles. Oui, oui, oui. Des conditions de travail décentes. Oui, oui, oui. Et une augmentation générale des salaires immédiatement. Oui, on traite libre. Oui, oui, oui, on traite libre. Attendre d'être mangé. Mangez les crêpes. Les crêpes. Ah, j'ai pas la bouteille. Ma retraite, je veux la vivre. Non, non, non. À cette réforme. Non, non, non. À la retraite des morts. Ma retraite, je veux la vivre. Non, non, non, à cette réforme. Non, non, non, à la retraite des morts. Boulot, dodo, caveau, on n'en veut pas. Boulot, dodo, caveau, on n'en veut pas. Boulot, dodo, caveau, on n'en veut pas. Boulot. Dodo, cabo, on n'en veut pas. C'est pas la retraite qu'il faut réformer, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer. Démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. J'aime la retraite, savez-vous comment? Quand elle est complète et à 60 ans, allez à vous! J'aime. ceux qui veulent casser notre système de retraite. La rue répond résistance. À ceux qui veulent nous faire travailler plus longtemps. La rue répond résistance. Et contre ce gouvernement de con, la rue répond résistance. Partage des richesses, partage du temps de travail, on arrête la précarité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Pour les retraites, pour la sécu, on est tous mobilisés. Contre ce projet, contre la misère, on est prêt à se révolter. Ça va péter! Ça va péter! Il y en a assez de ce gouvernement et de sa politique au service des puissants. Il y en a assez de ce gouvernement et de sa politique au service des puissants. Il y en a assez de ce gouvernement et de sa politique au service des puissants. Ta réforme ne veut pas passer, 49-3. T'as pas la majorité, 49-3. Ruffin ne veut pas la fermer, 49-3. La France a manifesté, 49-3. Rien à foutre la CGT, 49-3. T'aimes voir les gens travailler, 49-3. Tout le temps, des 49-3. Alors non, stop au 49-3, fais du bruit. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Et maintenant, après la crise Covid, santé, la santé, après la crise Covid, santé, la santé, c'est la fermeture des lits. Santé, la santé, c'est la fermeture de services. Santé, la santé, il n'y a plus de services publics. Ah oui, Place Hôpital Nord. Retrait, retrait, retrait total. C'est quoi? Ta réforme, on n'en veut pas. Alors merde. Retrait, retrait.